L'ambassade des Pokajou en France et le ministère de Culture de Pokajou présentent Radio Pokajou International. 15 minutes de voyage radiophonique à travers le Pokajou. Un programme diffusé depuis Jukapo, capitale de l'île, grâce à l'énergie produite par 300 écureuils qui courent sans cesse au cœur du Palais Royal. Bonjour messieurs, dames, soyez les bienvenus. Vous entendez la radio Pokajou International. Je suis Melissa Suarez del Real, très contente de vous accueillir de nouveau dans cet épisode de la radio Pokajou International. Les tissus des vêtements du Maharaja sont assez célèbres dans notre île. Ils sont créés exprès par des artisans localisés partout dans l'île. Sa Majesté, il apprécie beaucoup le travail artisanal et il garde un contact direct avec eux et avec les fournisseurs. D'ailleurs, Sa Majesté lui-même a étudié le design textile et sa thèse, conservée dans un cahier doré dans la Bibliothèque royale, a été primée par la Guilde internationale des tisseurs et fabricants de tissus, notamment par sa finesse, la qualité du langage utilisé et surtout pour la façon de parler des textures des tissus. Dans cette publication, il a utilisé des métaphores et des figures littéraires provenantes dans une grande partie du monde de la musique, notamment du chant, l'une des autres grandes passions de Sa Majesté. Aujourd'hui, on va explorer ce monde peu connu par les Pokajoutiens et absolument inconnu par les étrangères qui nous écoutent ailleurs. Pour cela, on va jouer les morceaux musicaux que Sa Majesté a utilisés récemment pour expliquer aux fournisseurs les attributs qu'ils souhaitaient dans les tissus qu'il leur a demandé. On va commencer tout en douceur par un morceau dont la voix de la chanteuse a été utilisée pour montrer aux fabricants de tissus la texture que Sa Majesté désirait pour le tissu de son nouveau pyjama. Voici ce morceau qui s'appelle No Room for Doubt de Liane La Havas. You caught me guilty, taking the pieces of you. That night you took flight, I couldn't decide what to do. I won't let a safe bet continue to make me go blue. Could go solo, would that be the right thing to do? We all make mistakes, we do. I learn from you. We all make mistakes, we do. I learn from you. Too slow out of the door to your house. I know you know that this way leads me out. Outside, too bright, you're within, I'm without. You're within, I'm without. We all make mistakes, we do. I learn from you. We all make mistakes, we do. I learn from you. Please sleep softly. We all make mistakes, we do. I learn from you. We all make mistakes. Oh, we do. I learn from you. We all make mistakes. Oh, we do. I learn from you. We all make mistakes. Oh, we do. I learn from you. On est de retour à la radio Pocahontas International, je suis Melissa Suarez El Real. On vient d'entendre No Room for Doubt de Lian Abbas, qui fait partie du disque Is Your Love Big Enough. Une voix parfaite, douce, on dirait même soyeuse, qui bouge avec naturalité. C'est légère et fine, mais à la fois chaude. C'est justement ça, tous ces attributs que Sa Majesté cherchait pour son nouveau pyjama de printemps. Le climat humide et fraîche du mois de mai force à Sa Majesté, aussi qu'au reste des Pocahontiens bien sûr, à chercher des solutions pour pouvoir dormir confortablement. Et c'était justement ce morceau qu'on vient d'entendre, ce que Sa Majesté a choisi pour rejoindre au dossier qu'il a donné aux fabricants de tissus, pour qu'ils puissent comprendre exactement ce dont il avait besoin. Ses fournisseurs, selon leur propre patron, comme avec une espèce de ver à soie qui se nourrit uniquement avec des feuilles de trompéra et qui rendent leur fil beaucoup plus doux et à la fois plus transpirable. Ils sont en fait remportés le prix à la meilleure soie du Pocahontas pendant les 5 dernières années. Mais même si les tissus pour pyjama posent sérieux défis aux fabricants, il y a des vêtements qui posent encore plus de challenge. Par exemple, l'habit qu'il a préparé pour la naissance de sa fille, ça fait 5 ans, demandait un travail de broderie exceptionnel. On va parler davantage sur les traditions vestimentaires du Pocahontas, peut-être dans un autre épisode. Mais en tout cas, on voudrait vous montrer la complexité de la broderie que Sa Majesté souhaitait en vous montrant un morceau où la voix de la magnifique Shara Worden et la variété d'instruments musicaux utilisés représentent une vraie panoplie de sons, émotions et textures. Très adéquate, bien sûr, pour un événement si important. Voici On the Edge du groupe Clocks, formé par deux membres du groupe The National, mais qui, sous ce nom, explore plutôt la musique instrumentale. Ce disque, The Creatures in the Garden of Lady Walton, compte avec de nombreuses collaborations vocales, comme celle-ci de Madame Shara Worden de My Brightest Diamond. On the edge with a gold coin in my pocket. On the edge with a gold poem in my pocket. I can tell this air ain't fresh. I can tell this air ain't right. Jim didn't know what treachery meant. I can tell this air ain't fresh. I can tell this air ain't right. Jim didn't know what treachery meant. We can say to our kids in the morning, the skies were blue. It took me days to fly home, took me days to fly back, and everything was better. I can On est de retour à la radio Pocahontas International et on a vraiment eu l'impression d'avoir fait un voyage avec ce morceau. Le résultat de l'avoir donné comme référence à l'atelier royal de broderie a fait un habit brodé avec une finesse et à la fois avec une richesse vraiment surprenante. Puisque le nom choisi pour la fille du Maharaja a été Krika, qui veut dire jardin en Pocahontien, le motif choisi pour l'habit du Maharaja pour le jour de la naissance de sa fille a été justement un jardin. On pouvait voir sur ce beau brodé des scarabées en émeraude, des sources d'eau en fil de turquoise et des oiseaux faits avec toutes sortes de pierres précieuses. Comme d'habitude, le temps passe très rapidement. C'est déjà l'heure de vous quitter. Mais on va vous laisser avec un morceau que, à ce moment, se trouve dans l'atelier de maillot de bain de Madame Paco, une couturière visionnaire du Pocahontas. Madame Paco a été choisie pour créer le maillot de bain de cette saison de Sa Majesté. Et ce morceau, en fait, a été sélectionné pour l'inspirer. On imagine que le résultat sera quelque chose de discret, fin, mais à la fois moderne. Ce s'appelle Hot Dream. Et en plus de donner le nom au modèle de maillot de bain créé pour Sa Majesté, il est le titre du nouveau disque de ce groupe américain appelé Timber Timber. Merci de nous avoir suivis. J'espère vous rencontrer pour le prochain épisode de la Radio Pocahontas International sur Campus FM. À bientôt. I wanna dance, I wanna dance, I wanna dance with a black woman. I wanna steal, I wanna steal my mind. And I wanna chance, I wanna chance, I want another chance. To distill, to distill their time. And I wanna write, I wanna write, I wanna write to someone so true. I wanna wake, I wanna wake, I wanna wake from hot dreams of you. Ah, hot dreams. To be a champion in your eyes. And I wanna follow through on all my promises and threats to you, babe. Hot streams, hot streams. We'll fork and divide I wanna take all of your air. I wanna find another daydream, another nightmare. I wanna lie, lie me down in your stream. I wanna wake from hot dreams. I wanna wake from hot dreams of you, babe. I want to wake from hot dreams of you, babe. Hot dreams. Sa diffusion pour aujourd'hui. Vous pouvez entendre la rediffusion le mardi à 10h. À la prochaine!